Bonsoir, bienvenue à cette première version de mon podcast. J'ai décidé de faire un petit podcast pour relater les faits divers de mon voyage. Comme vous pouvez le constater, j'ai une voix très radiophonique. Par contre, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc ça risque d'être assez plate. Alors, nous sommes mercredi le 4 avril, il est minuit moins 10. Je viens de terminer ma première journée de mon périple à Rotterdam. J'ai écrit un petit texte, en fait, parce que j'hésitais d'abord à faire un blog au départ. Et donc, j'ai écrit une page de blog. Vu que là, parce que aussi, c'est parce que j'arrivais pas à faire fonctionner mon micro. Donc, si vous voulez faire fonctionner un micro en passant en Europe, assurez-vous d'avoir un convertisseur qui fournit suffisamment de puissance à votre micro. Moi, c'était causé problème à cause de ça. Donc, heureusement, mon micro que j'ai acheté, que j'ai reçu en cadeau, en fait, merci à mes parents. Ce micro-là possède une option petite batterie qu'on peut crisser dedans qui permet donc de fournir du power au cas où il n'y en ait pas suffisamment qui arrive. Bon, j'ai fini le bout de plate. On va commencer la lecture. Commençons dans l'avion. Parce qu'après tout, c'est là que ça commence vraiment. Je me retrouve assis entre deux eaux, entre deux âges, entre une grand-mère d'Irlandaise née en Indonésie, qui rentre chez elle, et Simon, un jeune de Lanaudière, 20 ans, qui s'en va faire un trip de bicycle en Espagne. Le temps passe vite. J'ai l'esprit vide. C'est pas la plus dure partie du trajet. Trajet en train d'Amsterdam à Rotterdam non plus. Ces 5000 km de voyage me semblent moins longs que les quelques 200 mètres que je passe à la station à Rotterdam à me traîner mon gros road case qui pèse une demi-tonne. De là, je téléphone à Marlene. Je lui dis que j'arrive. Et j'arrive, en effet. Le studio est immense. La chambre aussi. Marlene me laisse seule avec ma faim, puis une boule qui me monte tranquillement à la gorge. Je fais le tour des deux pièces. Deux tombeaux, je pense, à ce moment-là. Deux cauchemars. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Panique. Pourquoi je suis venue ici, loin de ceux que j'aime? 3 mois, c'est trop long. Je suis seule ici, dans cette grande école vide. Je me sens comme quand j'étais petit, puis que mes parents m'envoyaient dans des camps de vacances, puis que je broyais en pensant à ma mère. Les anciens visiteurs de la place, de la chambre et du studio ont laissé des traces de leur passage. J'enlève un dessin d'enfant sur le mur. C'est trop envahissant, mais j'arrive pas à le jeter. Sur une étagère dans le studio, je trouve une feuille verte qui a commencé à racornir d'un coin. Elle est gravée de ces mots. You will survive. Oui, je vais survivre. Tout va bien. Enfin, presque. Je fais du ménage. J'ose pas tout jeter, mais je me mets à l'aise. Je suis tellement fatigué. Alors, je dors un peu, ça me remonte. Je prends une douche, je me fais belle. Mais la boule dans ma gorge est toujours là. Elle revient comme un métronome déjanté. Alors, je sors. Marlene m'a prêté un vélo. Je vais faire une commission à quincaillerie. J'engage déjà une super discussion avec le mec du comptoir, un Irlandais moustachu, en bon calviniste. Il défend l'immigration et le multiculturalisme. Il dit que tout le monde a le droit de vivre en Irlande, tant qu'il travaille. Il me dit le truc quand tout est fermé le dimanche. Les musulmans, eux, sont ouverts et tiennent commerce sur la même rue que lui. Je vais m'acheter de la bouffe puis des cossins. Je reviens. Je croise mon voisin de palier, David, un Espagnol super sympa. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai juste à aller le voir. Je m'installe. J'appelle à Montréal. Salut, ça va, oui, je suis bien arrivé. Mais j'ai comme juste envie de repartir. Plus tard, je rencontre Andrea, une Hongroise en résidence en même temps que moi. Sa fenêtre de l'autre côté de Duende Studio donne sur la mienne. Elle refuse mon invitation à bouffer un Herringer et à boire une bière. Pas le premier soir. Mais elle me laisse avec plaisir son email et on convient d'établir dans les prochaines semaines un code de couleur affiché à nos fenêtres pour se faire des petits messages. Dans une attitude tout à fait chouette, en fait. Je pense que ça va me plaire, finalement. Il y a du monde dans cette place-là. Je veux dire, ça grouille de vie, Rotterdam. Puis c'est quelque chose d'exceptionnel là, qui va se passer. Fait que. Ça va un peu mieux. Voilà. Un blog. C'est plate à lire quand c'est trop long. Non? Bonne nuit.